Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 97. De la conservation d'Adam. Immortalité, impassibilité, du besoin de nourriture, l'arbre de vie. 1. L'homme, dans l'état d'innocence, était-il immortel? La mort est entrée dans le monde par le péché, nous dit l'apôtre. Romains 5, 12. Avant le péché, l'homme était donc immortel. Le corps d'Adam n'avait pas en lui-même un principe d'immortalité, mais son âme possédait la vertu surnaturelle et divine de le préserver de la corruption tant qu'elle demeurerait elle-même soumise à son Créateur. Dieu avait ainsi fait les choses, pour que l'homme pût, à son gré, tomber dans la mort ou posséder l'immortalité. Note. Il convenait que l'âme qui, comme être raisonnable, dépasse les proportions de la matière, eut, au commencement, la vertu d'élever le corps au-dessus des lois de la matière, ce pouvoir, toutefois, ne lui était pas naturel. C'était un don de la grâce. Fin de la note. 2. L'homme, dans l'état d'innocence, aurait-il été passible? Il est des impressions et même des passions qui ont pour objet de perfectionner la nature, ainsi sentir, dormir, etc. Sous ce rapport, l'homme innocent était passible dans son âme et dans son corps. Mais, relativement aux passions qui troublent l'état naturel, il était impassible aussi bien qu'immortel. 3. L'homme, dans l'état d'innocence, avait-il besoin de nourriture? Adam prenait de la nourriture, car il est dit dans la Genèse, « Vous mangerez du fruit de tous les arbres qui sont dans le paradis. » Genèse 2. Après la résurrection, doué de la vie spirituelle, l'homme n'aura plus besoin d'aliments. Les corps seront spiritualisés. Mais, dans l'état d'innocence, où l'immortalité était l'effet d'une force divine qui résidait dans l'âme et non un droit naturel, il fallait au corps de la nourriture pour réparer ce qu'il perdait par les évaporations de la chaleur. Adam aurait péché en ne prenant pas les aliments nécessaires, comme il a péché en prenant une nourriture défendue. 4. L'homme, dans l'état d'innocence, aurait-il acquis l'immortalité par le fruit de l'arbre de vie? En mangeant du fruit de l'arbre de vie, l'homme serait arrivé à l'immortalité dans un temps déterminé. Ce fruit avait pour effet de remédier à la vieillesse, en ce que, réparant, à la manière d'une médecine, les déperditions causées par la chaleur, il empêchait le corps de s'affaiblir et de tomber en dissolution durant un temps limité. Cette période écoulée, l'homme aurait été appelé à la vie spirituelle, ou bien il lui aurait fallu cueillir encore du fruit de cet arbre, qui n'était pas la cause absolue de l'immortalité, mais qui la produisait indirectement. En écartant les atteintes de la vieillesse par la neutralisation de toute influence désastreuse. Telle est l'explication de ces paroles. Empêchons que l'homme ne porte à présent la main à l'arbre de vie, qu'il ne prenne encore de son fruit, et qu'en mangeant il ne vive éternellement. Genèse 3:22. Markendanarchive.org 2020. Extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.